Arrête de faire carré, on sait que t'es fauché. T'es pas prêt donc fais pas le choix. Y'a pas le choix, j'y vais fort ou c'est fichu. J'suis un paquet de bonnes mythes. Quand je recompte des bonnes mythes, c'est gauche la vie qu'on mène. Et j'ai pas besoin de ton aide. Tu déconnes, tu fais chuter le refou. En tout cas, si ça passe, on est refait. Je dis pas je blase au bleu, les plans sont établis. On fait les choses, me fais pas chier. On ira jusqu'au bout avec mon équipe. Sauver la coupe, y'a des gros culs. J'ai la teucard du télo du liquide. Il se passe des trucs bressons dans la zone. Il se passe des trucs bressons dans la zone. On t'appelle frérot et peut te la mettre dans ton dos. On t'appelle frérot et peut te la mettre dans ton dos. J'ai le seum, j'fume un paquet de mille, j'cours après les sommes. Nique la police dans nos halls qui résonne. Non mais tu déconnes là, fais-moi tous mes talpins. J'ai le seum, j'fume un paquet de mille, j'cours après les sommes. Nique la police dans nos halls qui résonne. Non mais tu déconnes là. Dans la poche arrière du papier, dans la sacoche j'ai la matière. J'fume pas le pilon du rentré, j'ai du semen ta planétaire. Mon briquet ou mon flingue, sur moi j'ai toujours mon feu. J'rallume ma Monte Cristo, elle veut que je la tire par les cheveux. Hydroponique dans les pupilles, visage caché par la fumée. Pas de machine à billets, j'compte à la vitesse de la lumière. Même sans un sou, on fait des plans sur la comète. J'frappe comme un bourrin, j'la mets direct dans la lunette. Il se passe des choses, bressons dans la zone. En bas du hall, mélange dans la paume. Il se passe des choses, bressons dans la zone. Appelez les urgences. J'ai le seum, j'fume un paquet de huit, j'cours après les sommes. Nique la police dans nos halls qui résonnent. Non mais tu déconnes là, file-moi tous mes talpins. J'ai le seum, j'fume un paquet de huit, j'cours après.